palation d'oreilles quand on t'explose les tympans. J'ai plus que ce rap qui me canalise, l'inspicère les dents. S'il y a un bif à faire, compte sur moi, je suis présent. Les années passent, mes comptes bancaires deviennent au présent. Chez nous, les gros bifs se font en trichant. Pas de secret, parle pas trop sur cellulaire, ça sent la pété, reste ton discret. Microclimat quand mes nerfs se déchaînent sur track. Mes vers aussi sales que mes glaires, faut que je rappe. Mes belles paroles sont au cimetière, interdit que je craque. J'en connais qui picolent pour atténuer le bad. Viens pas me saouler, je pourrais te liquider en moins de deux. On a la tête cramée à trop jouer avec le feu. À trop se fier, on finit à manger, atrophié. Moi dans l'échec, obsédé par les trophées. Du sang sur les mains, Yoshi, sous les ongles, j'en ai trop fait. N'importe si j'habite une banlieue chaude, je pourrais me faire abattre de sang froid. Réchauffement climatique, toi tu me chantes quoi. J'aime pas trop faire dans les détails, donc de mes faces, je suis grossiste. Œil pour œil, dent pour dent, coup de chasse dans le but. N'importe si j'habite une banlieue chaude, je pourrais me faire abattre de sang froid. Réchauffement climatique, toi tu me chantes. Quoi, j'aime pas trop faire dans les détails, donc de mes faces, je suis grossiste. Œil pour œil, dent pour dent, coup de chasse dans le but. Trop fier pour demander de l'aide, on décèle le regard d'un frère. À sauter dans le vide, on apprend à tomber par terre. Si demain j'arrête le rap, où seront mes partenaires? Quand j'ai cru connaître l'amour, c'était de l'adultère. Si t'agis comme l'animal, t'as du flair. La grisaille recouvre mes textes, lâche cisaille, c'est pour les tiex. Voilà ce qu'un sale mot mime, j'porte mon fardeau dream. Quitte pas les bons rails pour jeter dans la farine, négro. Microclimat, c'est tout l'art de manier le verbe. C'est ce qu'on a pour rester ferme. Ne me parlez pas de jeu de rôle. J'accepte d'avouer à mon public que j'étais galérien dans les halls. Trois fois rien dans les poches, j'en ai les symptômes. Apprendre à tuer le temps avec ce beat qui cogne. Inspiration vide, j'm'isole, qui me résonne. J'avais compris, faudrait vite des sommes. Oui, j'm'affole, oui, j'désole. Putain. J'suis de ces gosses devenus trop vite des hommes. N'importe si j'habite une banlieue chaude, j'pourrais me faire abattre de sang froid. Réchauffement climatique, toi tu me chantes quoi. J'aime pas trop faire dans les détails, donc de mes faces, je suis grossiste. Œil pour œil, dent pour dent, coup de chasse dans le but. N'importe si j'habite une banlieue chaude, j'pourrais me faire abattre de sang froid. Réchauffement climatique, toi tu me chantes quoi. J'aime pas trop faire dans les détails, donc de mes faces, je suis grossiste. Œil pour œil, dent pour dent, coup de chasse dans le but. C'est vraiment ce que l'autonomie. Non. Je me suis fait tout seul sans daron, donc l'amour a joué l'économie. Je dois garder les pieds sur terre dans les profondeurs de la vie, mon ami. Moi j'ai appris, dans une larme on peut se noyer, mais ne soyez pas surpris. Tout me pousse à faire la grimace, moi je souris. Que la lumière éclaire mon côté sombre quand je sévis. Ouais, vous êtes bien sur la messagerie de Negrodiox. Je suis pas disponible pour le moment. Laissez votre message après le bip. Je vous rappellerai quand je reviendrai sur cette putain de planète. Ouais, Diox, c'est Sully. Juste pour te dire, le sommeur microclimat trop lourd, donc big up. Histoire de principe 2.0, il est là. Ouais, salut Diox, c'est Laurie. Juste un message pour te dire que l'album il est super lourd. Bonne continuation, ciao.